On va parler avec notre ami Phil Legaïs. Salut Phil. Bonjour, Danny. Phil, au moment où on a ce podcast, ça vient de se terminer. Félix Auger-Aliassime a été éliminé. Par contre, écoute, il n'y a pas à être déçu du tout, du tout, du tout, là. C'est vraiment, tu sais, c'est acquérir de l'expérience dans certaines situations, c'est ça, là. Mais écoute, il doit être déçu, à l'inverse de ce que tu penses, pour une raison. Ouais. À 5-4, il servait pour gagner le 7. Ouais. Et à un certain moment, il menait 5-2 dans le deuxième. Donc, il a vraiment, comment je te dirais, donc, c'est sûr que son inexpérience a fait qu'il probablement il a choqué un peu là-dessus en disant c'est là qu'il faut que je gagne, puis des choses comme ça, puis il a raté des coups faciles en plus, là. Okay. Moi, j'ai regardé le match, puis on sentait qu'il y a des coups au filet que normalement, depuis le début du tournoi, il ne les ratait pas, là. Tu vas me dire, c'est l'inexpérience, oui, mais ça demeure quand même qu'il a eu toutes les occasions au monde de gagner ce match-là, et malheureusement, il l'a raté. Mais t'as raison de dire que c'est l'expérience, il n'y a pas à rougir de sa défaite. Écoute, il joue contre à peu près un des 10 meilleurs joueurs au monde. Il a perdu 2 fois en bris d'égalité 7-6, 7-6. Mais quand tu joues en bris d'égalité contre Isner, il gagne 90% du temps, il gagne. Mm-hmm. Donc, lui, là, il est un spécialiste de ça pour une raison. C'est qu'il y gagne parce qu'il a un service dévastateur. Et durant le match, on le sentit très, très bien qu'Alcin n'était pas à l'aise avec la vitesse du service de Isner, qui est l'un, sinon le meilleur serveur de tout le circuit. Au niveau du tennis. Oui. Puis là, t'as Shapovalov qui va jouer ce soir contre Federer. Ça, c'est vraiment pas facile. C'est pas du gâteau, là. Non, c'est pas facile. Deux examens, il joue contre un gars d'expérience. Mais Shapovalov, lui, il a une attitude de dire, moi, je peux battre n'importe qui. Et ça, il l'a acquis aussi depuis quand même 2 ans, lui. Alors qu'Alcin était réellement sa première année sur circuit avec les meilleurs. Dans le cas de Shapovalov, c'est sa 2e saison. Donc, un peu plus de vécu, un peu plus d'expérience. Mais battre Roger Federer, c'est pas, je pense, impossible dans le cas de Shapovalov, parce que Federer n'est plus comme il y a 3 ou 4 ans. Impossible de le battre, il était le meilleur au monde. Il est encore parmi les 4 ou 5 meilleurs joueurs au monde. Et Shapovalov, moi, je pense, honnêtement, ce soir, s'il sert bien, a des chances de battre Federer. Mais ce sera pas facile. Federer est quand même un des grands joueurs du circuit. Il est capable de gagner les gros matchs. Mais on a senti dernièrement qu'il a ralenti un peu. Il est rendu à 38 ans. Ouais. Il a manqué certaines rencontres. La surface dure, pour lui, c'est pas toujours facile non plus. Donc, j'ai hâte de voir. C'est quand même intéressant. Mais déjà, de voir au circuit 1000, de voir 2 Canadiens, un de 18 et l'autre de 19 ans, en demi-finale, c'est quelque chose d'inespéré. Tout à fait exceptionnel, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, tu parlais avec Sylvain Bruno cette semaine. Puis, oui. Sylvain Bruno, j'ai posé la question. Toi, le 2 janvier, parce que la saison de WTA commence le 2 janvier, j'ai posé la question si je t'aurais dit que le 27 de mars, ta protégée allait être 24e, puis qu'elle allait gagner Dean Wells, est-ce que tu m'aurais cru? Puis il m'a dit, moi, en doute, on visait le tableau principal à Roland-Garros. Mais encore là, le tableau principal, c'est quand même 32, des 32 meilleurs. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est quand même un haut fait d'armes, là. Mais lui, il sait que, et nous, on ne le voit pas de façon régulière dans le cas de la jeune roumaine, mais ça demeure quand même que lui, il la connaît, il la suit partout, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, il connaît sa progression, comme ceux qui suivent Alcin, puis ceux qui suivent Shapovalov. Andreescu, lui, il la suit depuis quand même 2 ans, il sait comment elle progresse, c'est la même chose pour les instructeurs des autres. Moi, je pense que Tennis Canada n'est pas nécessairement surpris qu'ils aient parmi l'élite mondiale 5 à 6 joueurs, autant du côté féminin que masculin, de voir que ces joueurs-là, actuellement, sont parmi les top 50 au monde. Et moi, je pense que on sait qu'il y a encore de la relève qui s'en vient, mais il faut admettre que Tennis Canada fait un travail colossal depuis plusieurs années, et on sent que là, actuellement, les résultats sont là. OK. Phil, grosse défaite hier, hein? Ah, les Canadiens ne sont pas présentés hier. Si on accepte les 10 premières minutes de la partie, là, après ça, là, très difficile pour le Canadien de Montréal. Les bons joueurs, encore une fois, n'ont pas été à la hauteur hier, surtout au niveau de l'attaque, et même au niveau de la défensive. Ils ont fait des erreurs magistrales, des revirements que tu ne dois pas faire dans des rencontres comme ça. Tu sais, je veux dire, mais je pense que on sent également que les jeunes joueurs comme Mété, Kotkaniemi, ces joueurs-là, on sent que la pression les étouffe un peu, là. On voit qu'ils jouent pas aussi à l'aise. Et moindrement que la pression vient fort de l'autre équipe, on commet des erreurs. Mais n'oubliez pas que les Blue Jackets, de l'autre côté, pendant la période de transaction, tu allais chercher 3 à 4 joueurs pour se donner de la profondeur nécessaire pour être capable d'aller plus loin. Mm. Et ça, je pense que, oui, il y a eu de la difficulté, mais ça demeure quand même une très, très bonne équipe de hockey. Et moi, le Canadien, je regarde un peu le calendrier, là. Ah, il n'est pas facile pour personne, là, le calendrier, de finir la saison, là. Hey, je regarde Caroline. Caroline joue contre Philadelphie, Pittsburgh, Toronto, New Jersey et Philadelphie. Et la majorité des matchs sont sur la route. Les Blue Jackets jouent contre Nashville, Boston. Ils ont Buffalo et Ottawa qui sont plus faciles, mais ils vont visiter ces équipes-là. Ils vont jouer sur la route. Donc, un peu, du côté du Canadien, guerre facile. Winnipeg, Tampa Bay, Washington et Toronto. Là-dessus, il y en a 2 au Centre Bell. C'est pas un calendrier facile aussi, là. Mais où est-ce qui fait mal aux Canadiens? S'il y a bris d'égalité, ils ne gagnent pas avec la Caroline, puis ils ne gagnent pas avec, avec les Blue Jackets. Donc, moi, je pense que c'est ça qui fait mal aux Canadiens. Mais rappelons-nous de certains petits points qu'on a perdus dernièrement, certaines victoires, exemple, contre les Islanders de New York, avec 2 minutes à faire, ils se sont fait égaler de pointage, ils ont perdu en prolongation. Ça, c'est des souvenirs qu'à la fin de la saison, quand tu récapitules, tu fais ça. Mais, Danny, je t'aurais dit... En début d'année, je suis convaincu que le Canadien, à une semaine du fin de calendrier, vont être dans la lutte pour être plus. Non, tout le monde aurait parti à rire. Tout le monde aurait parti à rire, puis il n'y a personne qui aurait pensé ça. C'est mais sûr. Ils l'ont fait quand même, et sans nécessairement, à la période des transactions, faire des choix majeurs pour essayer de se renforcer. Le Canadien a décidé d'y aller avec 1 ou 2 transactions mineures dans le but d'espérer d'avoir un peu plus de profondeur, puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais ça demeure que c'est une équipe qui est à la merci de son gardien de but. Mm. Quand Price performe, il arrête tout. Ben, les autres. Mais encore là, hier soir, il a fait des arrêts-clés, mais la défensive n'était pas là pour empêcher le gars de prendre un retour ou des choses comme ça. Donc, ce sera difficile pour le Canadien à la fin du calendrier, okay. Ça, il n'y a aucun doute. Phil, en terminant, je veux te parler du pays dans le sport. Le Chevalier de Lévis ont été éliminés. Et tu sais que les Chevaliers de Lévis, écoute, on parlait tout au long de l'hiver que ça allait être une saison record, que c'était la meilleure histoire du Québec. Puis tu connais tout le baratin qui est venu autour des Chevaliers de Lévis. Je veux dire, en affaire, le pic dans le sport, je parlais avec Jean-Pierre Charlebois, le descripteur des Huskies, puis j'ai posé la question, les Huskies ont-ils trop piqué trop de bonheur? Puis lui, il disait qu'il croyait pas à ça, le pic. Ben, je peux te dire, en affaire, le pic avec les Chevaliers de Lévis, ça s'applique très bien. Là. Moi, je crois à ça en maudit. Là. Cette semaine, j'ai parlé avec un dirigeant de la Ligue Midget 3. Ouais. OK, de la situation qui est arrivée avec la formation de Lévis. Le responsable, le gars de la Ligue Midget 3, me dit quelque chose qui est à retenir. Les équipes qui ont envoyé des joueurs importants aux Jeux du Canada, où ils ont gagné la médaille d'or, là, je te parle de Trois-Rivières, je te parle d'une équipe de Montréal, je te parle de Lévis, je te parle de Jonquière, qui est le gardien de but, était exceptionnel. Toutes ces équipes-là ont vu leurs joueurs qui sont allés là-bas offrir des contre-performances quand ils sont arrivés pour les séries éliminatoires et ils sont tous éliminés. Ouais. Je peux te dire que j'ai parlé avec des gens également qui ont allé voir régulièrement les élites. Le gardien de but, les élites a été exceptionnel. Ça a été la grande vedette là-bas aux Jeux du Canada. Il n'arrêtait plus un puck des séries pour les élites de Jonquière. Il y avait 3-4 joueurs de Lévis. Ils n'ont pas performé durant cette série-là. Il y avait 3 joueurs de Trois-Rivières. Ils ont été éliminés également. C'est une des bonnes équipes de la Ligue. Très peu de joueurs de démagogues et très peu de joueurs également de l'autre formation qui les a battus, la région de Montréal. Donc, le gars de lui prétend que les jeunes ont tellement laissé de jus lors de ce championnat-là. Okay. On a tellement mis de pression pour qu'ils gagnent la médaille d'or. Ils sont arrivés dans leurs équipes et les séries éliminatoires débutaient quand ils sont arrivés dans leurs équipes. Malheureusement, il n'y avait plus... Ils avaient atteint leur summum, eux autres, là. La médaille d'or aux Jeux du Canada. Ouais. Et là, il dit, les joueurs n'ont pas été, les instructeurs n'ont pas été capables d'essayer de les ramener et de dire, là, hey, ben, c'est un jour, on va revenir à la base. Et il était sur un high, et quand ils sont arrivés dans leurs équipes, le high est tombé complètement. Ils venaient de gagner la médaille d'or, les médias couraient tout après eux quand ils sont arrivés au Québec, et malheureusement, ben, ils n'ont pas gagné. Et je peux te dire que dans le cas de Lévis, la Ligue Midget 3A, le dirigeant me disait, cette année, on disait, à la Coupe Air Canada, on va-tu avoir l'équipe pour tout balayer, là, avec la formation de Lévis, et malheureusement, ben, ils ne seront pas là. Mais là, tu parles d'une situation, mais moi, je te parle d'une autre situation. Je peux parler des Patriots de l'Angleterre qui ont gagné 14 matchs de fil puis qu'il y a quelques années, puis arrivent au Super Bowl. Mais là, tu parles de professionnels. Mais là, tu ne parles pas de petits gars de 15 ans. Je vais te donner un autre exemple, cette semaine. Et mardi, j'ai écrit une chronique en disant, alors que je prétendais que la série irait à 7 à Rimouski, je fais rire le monde en disant, je change ma prédiction, la série va être courte. Les gens, ils ont dit, ah, voyons donc, les Saguenay ont fait une performance tout à fait exceptionnelle là-bas, deux matchs en prolongation. Ben, c'est justement pour ça qu'on va perdre rapidement. Parce que ils ont eu l'occasion, ils ont atteint un summum, deux gros matchs là-bas, et malheureusement, ça s'est pas concrétisé pour eux quand ils sont arrivés ici. Malheureusement, surtout au quatrième match, ils étaient à flat, il y avait moins de pushing, ils y croyaient moins. Tu sais, c'est oui, quand t'as une occasion, puis t'atteins un pic. Moi, c'est vrai que le pic, tu peux peut-être l'atteindre à un certain moment, mais tu peux pas toujours performer au haut niveau tout le temps sans arrêt. Et quand, malheureusement, t'échoues, quand tu fais ça, le pic tombe, ou quand tu l'atteins, après, et je vais te donner un autre exemple, Danny, que tu vas... Un joueur junior qui va à un camp de hockey professionnel, OK, qui connaît un camp exceptionnel, déguisement, est sûr de rester dans l'Ligue nationale à la dernière minute, l'équipe décide de le retourner junior... Ça y prend 3 semaines, 1 mois avant de revenir à terre. Quand il arrive, là, les attentes sont tellement grandes au club junior. Il arrive, il joue avec les joueurs de la Ligue nationale. Le gars, il arrive au junior, là. Malheureusement, c'est pas le cas. Il performe pas. Il y a de la difficulté. Il prend du temps. Et ça arrive régulièrement, 9 fois sur 10. Le cas de Shawinigan, justement, quand je parlais contre Wayne Oranda, il lui donne-tu de la misère un peu? C'est incroyable, hein? Ouais, mais ça, souvent. Moi, je pense que les joueurs sont en grande partie responsables de ça. Ouais. 86 points entre les deux, ça va être facile. Ouais. Les petits gars, ils prennent pas ça trop. Là, tout à coup, ils font surprendre un match. Ah, c'est rien qu'un match. Mais là, l'autre, un soir, un gardien peut battre une équipe. C'est exactement ce que Justin Blanc fait. Justin a fait lors d'une rencontre. Et à partir de ce moment-là, un peu comme Alexis Chang avec 83 lancés vers lui, il a arrêté 80. Il aurait normalement dû battre la formation de Rimouski. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, mais ça arrive, ça, dans une rencontre. Mais avec une longue série, moi, je pense que Rouyn Noranda va gagner les deux prochains. On a vu même les Remparts aller battre Halifax 2 fois à Halifax. Ils sont arrivés au centre Vidéotron, ils se sont battus 2 fois par Halifax sur la route. Donc, c'est un peu ça, là, le sport. Et souvent, c'est au niveau du mental que ça joue, et probablement que Lévis... C'est un peu ça aussi, là. Ils ont gagné toute la saison. Mais où c'est plus sévère dans ces situations-là, savez-vous quoi? C'est les instructeurs. L'on blâme souvent les instructeurs. Il n'a pas été capable de ramener ces jeunes. Il n'a pas été capable de ramener ça à leur niveau. Il n'a pas été capable de reconnecter. T'sais, souvent, c'est ça. Et souvent, l'instructeur écope pour des défaites comme ça. Oui, effectivement. Phil, on s'en reparle le vendredi prochain. Les commentaires de Phil Gagnon.